Chapitre 8e. Ikuteruka comprit que s'il se laissait rejoindre par les célestes, il était perdu. Sans hésiter, il fonça vers le bord du quai et piqua une tête dans l'eau noire. À environ 800 mètres de terre, le marquès des Pombal, la canonnière portugaise dont avait parlé le général de Meio, était mouillée. Ikuteruka tira sa coupe vers elle. Il put voir, en se retournant, que 4 Mandchous s'étaient également mis à l'eau et essayaient de le rejoindre. Il n'était pas de force. Ikuteruka nageait comme un poisson. En quelques instants, il eut fortement augmenté la distance qui le séparait de ses poursuivants. Ceux-ci, comprenant qu'ils ne le rejoindraient pas, abandonnèrent la chasse et revinrent vers le quai. Ikuteruka continua à nager vers la canonnière qu'il atteignit bientôt. Mais comme il saisissait la plateforme inférieure de l'échelle de coupé, le factionnaire le héla et lui ordonna de rebrousser chemin. Ikuteruka était épuisé. Il obéit, pourtant, car il ne voulait pas se faire connaître. S'étant éloigné du vaisseau de guerre, il se dirigea vers l'île verte, un roc dénudé relié la terre par la digue qui, vers le nord, abrite le port de Macao. Il prit enfin pied, sortit de l'eau et s'assit sur le sable. Tandis qu'il se reposait, la brise tiède qui soufflait sécha rapidement ses vêtements. Le grand détective était content. Une fois de plus, le hasard l'avait aidé. Il savait, maintenant que Afo faisait partie, ou plutôt avait fait partie, d'une association appelée le Scorpion, et que son frère et héritier en faisaient partie également. Afo était mort et son frère était très malade. Le Scorpion en était-il la cause? Était-ce le Scorpion qui avait fait mourir Afo et qui était en train de tuer son frère Atao? Je verrai cela, pensa Ikuteruka, qui s'étant relevé, s'assura que son pistolet automatique n'avait pas été endommagé par son séjour dans l'eau de mer et se dirigea vers la digue. Il la traversa et par la rue Vasco de Gama regagna l'hôtel où il était descendu. Comme il y arrivait, 4 heures du matin sonnèrent. Ikuteruka se jeta sur son lit tout habillé et ne tarda pas à s'endormir. À 8 heures du matin, ayant changé de vêtements et s'étant grimé de façon à ne pas être reconnu s'il rencontrait les bandits qu'il avait poursuivis, il se dirigea vers l'hôtel du gouverneur. Il dut attendre près d'une heure avant d'être reçu par le haut fonctionnaire. Il fut enfin introduit dans un vaste salon que rafraîchissaient plusieurs ventilateurs électriques. Au centre de la pièce, un gros homme, revêtu d'un uniforme de toile blanche garni de galons et de boutons d'or, était assis derrière un vaste bureau d'acajou à ornement de bronze. C'était le comte Miguel de Almeida, gouverneur de Macao. Le général de Meio a dû vous parler de moi, monsieur le gouverneur, fit le détective japonais. Je suis Ikuteruka et... Ah oui, je sais. Vous recherchez ce pauvre Joachim de Meio, qui a si malheureusement disparu avec les 750 000 piastres du gouvernement. Ne cherchez plus, on vient de le retrouver. Il n'y a pas une heure de cela. Ikuteruka avait pour principe de s'attendre à tout. Ses paroles, cependant, l'étonnèrent. « Monsieur de Meio est retrouvé ? » dit-il ahuri. « Oui. »« Pauvre air, il est fou, complètement fou. Vous pouvez aller le voir. Nous l'avons laissé chez son père. Oh, nous nous en doutions qu'il était fou. Pour avoir commis un assassinat et un vol, lui, un homme d'une famille pareille, il fallait qu'il eût perdu la raison. Mais, monsieur le gouverneur, êtes-vous sûr qu'il soit coupable ? Coupable. Mais dans ses haillons, nous avons retrouvé plusieurs piastres neuves, qui étaient cousues dans la doublure. Des piastres, qui, ainsi que leur poinçonnement le prouve, proviennent de la jonque disparue.